السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue le livre qui est le résumé explicatif du livre de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé au chapitre qui a pour titre باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. Chapitre, quiconque obéit aux savants et aux dirigeants dans le fait de juger illicite ce que Allah a permis, ou le fait de juger licite ce que Allah a interdit, les aura certes pris comme seigneur, c'est-à-dire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam, Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il cite les preuves suivantes et il dit: وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس كان لزغريت تو دو سيدير لوي سون بير a dit: il est proche que tombe sur vous des pierres ou une pierre venant du ciel. Je dis: le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, et vous dites Abu Bakr et Omar ont dit. Quelle est l'explication du noble savant Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala de ce chapitre? Il dit: munasabatu dhikri hadha al-bab fi kitab at-tawhid lamma kanat at-ta'atu min anwa' al-ibadah nabbaha al-musannif rahimahullah ta'ala bi hadha al-bab 'ala wujub ikhtisas al-khaliq tabaarak wa ta'ala biha wa annahu la yuta'u ahad min al-khalq illa idha kanat ta'atuhu fi ghayri ma'siyatillah. Comme salat Allah. Quel est donc le rapport entre la mention faite de ce chapitre et le livre de l'unicité? Ou quel est le caractère opportun de placer ce chapitre dans le livre de l'unicité? Cheikh Al-Fawzan, il dit, hafidahullah, comme l'obéissance fait partie des genres d'adoration, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a attiré l'attention au moyen de ce chapitre sur l'obligation de vouer cette adoration de manière exclusive à Allah le Très-Haut, le Créateur subhanahu wa ta'ala, et que personne parmi les gens ne doit être obéi, sauf si lui obéir n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, comme ça d'habitude, Cheikh Al-Fawzan explique les termes utilisés ici, il dit « Arbaba ay shuraka ama Allahi fit tashri'a ». Qu'est-ce que veut dire « Arbaba, Seigneur » C'est-à-dire des associés à Allah dans le fait de légiférer. قال ابن عباس إلى آخر الأثر أي قاله لمن ناظره في متعة الحج وكان هو يأمر بها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنها واحتج ابن عباس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس إشكال فاجو أثر إلى آخر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. Ibn Abbas a dit jusqu'à la fin du Athar, c'est-à-dire la parole d'Ibn Abbas, c'est-à-dire qu'il l'a dit à celui qui débattit avec lui au sujet de Mut'atul Hajj. C'est quoi Mut'atul Hajj? Si c'est en référence au fait de jouir d'une vie normale après être sorti de l'état de sacralisation de la Umrah, c'est-à-dire l'Ihram. D'accord? En attendant de rentrer à nouveau en état de sacralisation pour le Hajj. C'est ce qu'on appelle Hajj At-Tamattu'. D'accord? Donc je répète, c'est en référence au fait de jouir d'une vie normale, après de sortir de l'état de sacralisation, quand on a fini la Umrah, en attendant de rentrer à nouveau en état de sacralisation pour le Hajj, Hajj Tamattu. Après, il y a une discussion des ulamas, ils disent qu'Abu Bakr et Omar, évidemment, ils n'ont pas nié le fait qu'on ne peut pas faire Tamattu, mais ils ont dit que l'Afdal, c'était autre chose, etc. etc. Et il y a une discussion chez les ulamas, beaucoup de mashaykhs disent que l'Afdal, c'est Tamattu. La meilleure manière de faire le Hajj, etc. À la kulli hal, ici, on continue les termes et il dit, c'est-à-dire qu'il a dit à celui qui débattit avec lui au sujet de Mut'atul Hajj, car il lui ordonnait en raison de l'ordre du messager d'Allah de faire tamattu. Et donc, la personne qui débattait avec lui a utilisé comme preuve l'interdiction d'Abu Bakr et de Omar concernant Mut'atul Hajj. Et donc, Ibn Abbas a utilisé comme argument, preuve, pardon, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Yushiku, ay, يقرب ويدنو ويسرع. C'est-à-dire ici, il a dit quoi? On peut traduire en français en disant Yushiku, il se fait proche et rapide. Il se rapproche, il se fait proche. المعنى الإجمالي للأثر. C'est quoi le sens général du أثر d'Ibn Abbas رضي الله عنهما؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن ينزل الله. Ici, أن ينزل الله عقوبة من السماء عاجلة شنيعة بمن يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته والتقديم وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. Quel est le sens général du athar d'Ibn Abbas رضي الله عنهما؟ Ibn Abbas, il s'attendait qu'Allah fasse descendre un châtiment rapide et horrible du ciel sur ceux qui font passer la parole d'Abu Bakr et de Omar, car ils agréent tous les deux, avant la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car la foi en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, implique son suivi, ainsi que de faire passer sa parole avant la parole de toute personne et ce qui que ce soit. Quel est le rapport maintenant entre ce athar et le chapitre dans lequel il est cité. مناسبة ذكره في الباب أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها موجبة للعقوبة. Le rapport entre le athar d'Ibn Abbas رضي الله عنهما et le chapitre dans lequel il est cité est qu'il indique le caractère illicite d'obéir aux savants et aux dirigeants dans ce qui transgresse et s'oppose à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que cela fait partie des choses qui rendent le châtiment obligatoire. Quels sont les enseignements tirés de ce athar? Ma yustafadu min al-athar. Premièrement, wujubu taqdimi qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ala qawli kulli ahadin. L'obligation de faire passer la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant la parole de qui que ce soit. Deuxième point ici, et on va s'attarder un peu sur ce point là, inshallah. Anna mukhalafata hadi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tujibu al-uquba. Transgresser la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rend le châtiment obligatoire. Alors ici, un point que je voulais vous rapporter, ça vous ne le trouverez pas dans le livre, c'est des notes que j'ai prises moi à la main dans mon livre quand on a fait ce livre avec le grand savant Cheikh Abdel Roudayen. Donc je vous conseille de noter, inshallah. De toute façon, ce sera dans le PDF en français. Et c'est sur le fait de, ici le mot transgresser, il a dit, Cheikh Al-Fawzan, il a dit, « Anna mukhalafata hayy ar-rasul sallam tujibu al-uquba. » La transgresser, la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rend le châtiment quoi? Comment? Obligatoire. Justement, Cheikh, il a dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, « Al-khilafu lis-sunnati bayna al-muntasibina lil-islam aqsamun. » عرفت بالاستقراء لأحوال المنتسبين إلى الإسلام. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la transgression envers la sunna chez ceux qui s'affilient à l'islam est de plusieurs catégories. On va voir les différents types de transgressions. C'est pas tous au même niveau et pas du même type et du même genre. Et il dit le cheikh, ces catégories sont prises de l'observation des situations ou des états de ceux qui s'affilient à l'islam. Alors la première de ces catégories là. الذي خالف السنة مجتهدا وهو طالب للحق هذا مغفور له خطأه مأجور لاجتهاده للحديث المشهور. Première de ces catégories là, celui qui transgresse la sunna alors qu'il fait l'effort d'interprétation, c'est un mujtahid, donc il fait l'ijtihad tout en cherchant la vérité. C'est quoi sa situation, celui-ci? Cheikh Al-Fawzan, il dit, son erreur lui est pardonnée. Et il est récompensé pour son effort d'interprétation en raison du hadith connu à ce sujet. Il fait référence à quel hadith? Le hadith connu du prophète sallam, où il dit, « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا. » Lorsque celui qui juge, il juge, et qui fait l'effort d'interprétation, et qu'il arrive à toucher la vérité, à accéder à la vérité, arrive à la vérité, eh bien, il a deux récompense. Ou d'ahakam al-hakimu, fa'jtahada fa'akhta. D'ahakam al-hakimu, lorsque le juge juge et qu'il fait l'ijtihad, il fait l'effort d'interprétation, et alors qu'il a, mais il n'arrive pas à la vérité, il a fait son effort, il a fait ce qu'il fallait faire, il cherchait la vérité, mais il n'a pas eu le tawfiq de toucher la vérité, d'arriver à la vérité, eh bien, qu'est-ce qui se passe là? فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Il n'a qu'une seule récompense. Le hadith, il est clair ici. Et je vous avais déjà dit dans un dars précédent que c'est une réfutation qawiyya contre les tekfiris. Parce qu'ils ne font pas de tafsil dans le hukm bi-ghayri ma anzalallah. Or, le prophète Hassan, il a dit ici, إِذَا حَكَمَ الْحَكِيمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ. Or, le khata, ce n'est pas le hukm bi-ma anzalallah. Et malgré ça, le prophète Hassan, il a dit quoi? Ma'jour. Comment il peut être kafir alors qu'il est ma'jour? D'accord? Donc ici, c'est à ce hadith-là que le cheikh fait référence. Deuxième catégorie de gens. من خالف السنة جاهلا فهذا معذور ولا إثم عليه لكن يجب عليه السؤال لأهل العلم أو السؤال أهل العلم حتى يصيب الحق. Il a cité le verset, notamment de sourate Nahl, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dans sourate الأنبياء aussi. فمن ترك سؤال أهل العلم مع القدرة عليه كان آثما. Donc quelle est cette deuxième catégorie? Mais c'est celui qui transgresse la sunna en étant ignorant. Celui-ci est excusé et il n'est pas en état de péché, mais il est obligatoire de questionner les gens des sciences afin qu'il atteigne la vérité. Et il cite le verset dont la traduction du sens est demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas, et c'est notamment dans surat Nahl verset 43. Tashir al-Albani rahimahullah, il disait rahimahullah que Allah azza wa jalla dans ce verset a divisé les gens en deux catégories. Il n'y a pas de troisième. Il y a ou ceux qui savent, et on doit les questionner, ou ceux qui ne savent pas, et doivent questionner ceux qui savent. Donc, ensuite, il continue, rahimahullah, il dit, « Khilaful juhal lahu suratan » La transgression des ignorants a deux formes, deux aspects. « Ou qisman » ou deux catégories, si vous voulez. « Man kana qadiran ala al-bahth an al-haq » وترك ذلك فهو آثم وأضاع أمر الله. Ici, qu'est-ce que dit le cheikh? Il dit A, le premier, celui qui est apte à rechercher la vérité mais délaisse cela, il est alors en état de péché et il aura délaissé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. B, deuxième surah, deuxième forme, deuxième aspect, جاهل ولكن لا يقدر على البحث عن الحق ولا يستطيع الوصول إلى أهل العلم وأهل التدين والتقى أو ابتلي بعلماء السوء صاروا في تجهيله فهذا معذور حتى يبلغه الحق فيعمل به. L'ignorant qui n'est pas capable de rechercher la vérité et n'est pas en capacité d'atteindre les gens de science et les gens de religion et de piété, ou qui est éprouvé par les savants du mal qui sont les causes de son ignorance. Celui-ci est excusé jusqu'à ce que la vérité lui parvienne et qu'il la mette en pratique. Troisième catégorie des transgresseurs qui transgressent la sunna. Al-Fussaq min ahli al-Iman. Khalafu amr Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam taraku al-awamir الموجبة فعل النواهي مثلا شرب المسكرات أو فعل الزنا معتقدين بتحريمها أو معتقدين تحريمها très important ça. Ici le cheikh il dit quoi? Il dit troisième catégorie de gens, c'est les désobéissants, les faussaques qu'on traduit des fois par pervers, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ils disent les mashiach, ils disent, ils donnent des dawabit pour savoir qui est un fasiq ou qui n'est pas un fasiq. Et on parle ici des péchés majeurs en général. Ici, les faussaques, les désobéissants parmi les croyants, ils ont transgressé l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont délaissé les ordres obligatoires. Et puis il donne des exemples que je n'ai pas cités en arabe. Il dit par exemple, il dit « Mitla adam salla fi waqtiha » أو بخلوا بما أوجب الله عليهم من الزكاة. C'est-à-dire quoi? Ils ont délaissé les ordres obligatoires, comme par exemple ne pas prier à l'heure. ou être avare en ce qui concerne ce qu'Allah leur a rendu obligatoire en termes de zakat, par exemple. Ils ont commis des interdits, par exemple aussi comme la consommation d'alcool ou commettre la fornication. Donc vous voyez qu'il y a deux genres de... Ici. Le fisc, c'est pas que faire des ma'as, c'est aussi délaisser des choses obligatoires. Donc ici, il dit, comme la consommation d'alcool ou commettre la fornication, tout en croyant que c'est illicite. Parce qu'évidemment, toute personne qui connaît, qui commet ce genre de péchés, qui sont connus hein, chez les musulmans, que c'est des péchés, et qu'il croit, alors qu'il croit que c'est licite, là, c'est un kafir, là, il est sorti de l'islam. On appelle ça l'istihlal. C'est-à-dire qu'il croit que c'est halal en le faisant. On ne parle pas de ça ici, on parle des gens de foi, les croyants, qui font un péché tout en croyant que c'est haram. Ils savent que c'est haram, ils croient que c'est haram, mais ils le font quand même. Donc on continue ici. Je voulais faire un point par rapport à Cheikh Ben Baz, qu'il avait eu un débat avec certains Hizbin comme Safar al-Hawali, etc. Mais j'avais déjà parlé dans un cours, donc on ne va pas revenir là-dessus, par rapport à Al-Musr al-Kabira. Parce qu'il voulait vraiment tirer une parole de Cheikh Ben Baz, que ça voulait dire l'istihlal. Et Cheikh, il disait non, il était comme une montagne, il disait là, là, là. C'est le fait que son Musr, qu'il soit persistant sur ce grand péché, ça ne veut pas dire qu'il est mustahil, li hadil ma'asiyah. Parce que ça revient de manière détournée, revient à l'aqid al-Khawarij, de kafar avec le kaba'ir. Donc, il dit ici, le repentir. Qu'est-ce qu'il leur implique à ces gens-là, à cette catégorie de gens-là? Il dit, Tajibu alayhim at-tawba bir-ruju' ila Allah azza wa jal. Il leur est obligatoire, il leur incombe de se repentir en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième catégorie des transgresseurs, ça c'est pas dans le livre ce que je dis ici, mais c'est des notes pour les frères qui étaient pas là. Ils prendront dans les notes de cours sur le site, Inch'Allah. Quatrième catégorie de gens, Ahlul Bida'a. Fa'alou ma fa'alou min al Bida'a wal Muhtathat an ilmin wa inadin. Fa'aulai tajibu alihim al-tawbah wal rujou' ila Allahi ma'a bayan anna ma fa'alouhu qabla dalika Bida'a. Quatrième catégorie dernière ici, les gens des innovations religieuses. Ils ont commis ce qu'ils ont commis en termes d'innovations religieuses et d'affaires inventées dans la religion, alors qu'ils savent, et par obstination, cela, le repentir leur est obligatoire, mais c'est pas que ça. Vous avez vu la différence avec le Foussaq? Le Foussaq, on a dit le repentir leur obligatoire. Mais Al-Bida' ici, le repentir leur obligatoire, ainsi que le retour vers la Sunna. Tout en clarifiant que ce qu'ils ont pu commettre précédemment était des innovations religieuses. Le Bayan. On continue dans le livre de Cheikh Al-Fawzan. قال شيخ الإسلام محمد بن عمرو رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك أو فيهلك. Ici, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah, il dit, et Ahmed ibn Hanbal a dit, je suis étonné de gens qui connaissent la chaîne de transmission ainsi que son authenticité, puis vont vers la parole de Soufiane, Soufiane Thawri. Alors qu'Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne. Surat Nour, verset 63. Sais-tu ce qu'est l'épreuve? La fitna. L'épreuve, la fitna, est le shirk, l'association à Allah. Car il se peut que s'il rejette l'une de ses paroles, une déviance touche son cœur et donc il est perdu. Ces paroles, comme on va le voir, le pronom personnel ici retourne au prophète alayhi salatu wasalam. Et aussi dans le verset ici, que ceux donc qui s'opposent à son commandement. فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Le ha ici, c'est un damir muttasil. Ici, c'est un pronom personnel qui est... connecté à un nom ici, et il revient vers qui? Ya'udu ila man? Ya'udu ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Une faïda que je vous donne encore de Charles Goudayen, quand on a fait Kitab Tawhid avec lui, Ad-Damir A'idun, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لمرسله وهو الله سبحانه وتعالى. Donc ici, le pronom personnel ici indique le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, car la désobéissance envers le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est une désobéissance envers celui qui l'a envoyé. Retenez ça, معصية الرسول معصية لمرسله. Donc, au désobéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est également une désobéissance à celui qui l'a envoyé, et c'est Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Explication de Cheikh Al-Fawzan, At-Tarajum, les biographies, parce qu'il y a plusieurs noms qui sont cités ici. Ahmed, huwa l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, mata sana 41 ba'da 200 hijriyah, rahimahullahu ta'ala. Ici, il dit, Ahmed, c'est qui? L'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, décédé en l'an 241 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Soufiane, huwa Abu Abdillah Soufiane ibn Sa'idin al-Thawri, al-imam al-Zahidu al-Abidu al-Thiqatu al-Faqih, mata sana 61 ba'da 200 hijriya rahimahullahu ta'ala. C'est Abu Abdillah Soufiane al-Thawri, Abu Abdillah Soufiane ibn Sa'id al-Thawri, l'imam, l'adorateur pieux et ascète, le digne de confiance, al-Thiqa, al-Faqih, le savant spécialiste du fiqh, décédé en l'an 161 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qala Ahmed, maintenant les termes, Ahmed a dit, أي لما قيل له إن قوم يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أو غيره من الفقهاء. قال أحمد, أحمد a dit, c'est-à-dire lorsqu'il lui fut dit, des gens délaissent le hadith et vont vers l'avis de Sufyan ou d'autres parmi les savants spécialistes du fiqh. عرف الإسناد وصحته, أي عرف صحة إسناد الحديث, لأن صحة الإسناد تدل على صحة الحديث. عرف الإسناد وصحته, ils ont connu la chaîne de transmission et son authenticité. C'est-à-dire, ils ont su l'authenticité de la chaîne de transmission, car l'authenticité de la chaîne de transmission indique l'authenticité du hadith, ou donne une indication sur l'authenticité du hadith. يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم وَعُدِّيَ الْفِعْلُ بِعَنْ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَ الْإِعْرَاضِ. Regardez l'importance de la langue arabe. يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. عَنْ ici, il a un sens. Qui s'oppose transgresse à son commandement, c'est-à-dire l'ordre d'Allah ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le verbe ici est ici utilisé avec la préposition an, pour indiquer le fait de délaisser, de se détourner de an. An tusibahum fitna mihnatun fid dunya, qu'une épreuve ne les atteigne, une épreuve, un test dans cette vie ici-bas. أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. Ou qu'un châtiment douloureux ne les atteigne, c'est-à-dire dans l'au-delà. لعله أي الإنسان الذي تصح عنده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لعله, il se peut qu'il, c'est qui le il ici? C'est-à-dire cet individu qui connaît l'authenticité de cette sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. إذا رد بعد قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. S'il rejette l'une de ses paroles, c'est qui ses paroles? Les paroles de qui? C'est-à-dire une parole du prophète, alayhi as-salat wa salam. Min al-zayr, ay al-udur an il-haqqi wa fasad al-qalbi. Min al-zayr, une déviance, c'est-à-dire le renoncement de la vérité et la corruption ou la perversion du cœur. Le sens général du verset maintenant. المعنى الإجمالي ينكر الإمام أحمد على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره فيما يخالف الحديث ويعتذر بالأعذار الباطلة يبرر فعله مع أن الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يتخوف الإمام أحمد على من صحت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف شيئا منها أن يزيغ قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة ويستشهد بالآية المذكورة ومثلها في القرآن كثير كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Le sens général du verset, l'imam Ahmed blâme celui qui connaît le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis après cela imite aveuglement Soufiane ou autre que lui dans ce qui transgresse ou s'oppose au hadith, et s'excuse au moyen d'excuses qui ne sont pas valides afin de justifier son action. En sachant que ce qui est obligatoire et incombe aux croyants, lorsque lui parvient le livre d'Allah le Très-Haut et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il connaît le sens de cela, et ce dans n'importe quel sujet que ce soit, c'est de le mettre en application, et ce même si s'opposent à lui ceux qui s'opposent à lui. Et c'est cela qu'Allah notre Seigneur nous a ordonné. Il nous a ordonné notre prophète, alayhi salatu wassalam. Puis l'imam Ahmed a eu peur pour celui qui connaît l'authenticité de la sunna, du messager d'Allah, sallallahu alayhi salam. Puis on transgresse quelque chose que son cœur dévie, et donc qu'il soit perdu dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Elle a utilisé comme preuve le verset cité. Il y a beaucoup de versets similaires dans le Coran, comme la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est « Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. » As-Saff, surat Saff, verset 5. Maintenant, le rapport entre le hadith, entre le verset, pardon, et le... On a dit quoi ici? C'est la parole d'Ahmed, plutôt, avec le verset qu'il a cité, bien sûr. مناسبة ذكر ذلك في الباب التحذير من تقليد العلماء من غير دليل وترك العمل بالكتاب والسنة وأن ذلك شرك في الطاعة. Le rapport c'est lequel? C'est la mise en garde contre l'imitation aveugle des savants sans aucune preuve et le délaissement de la mise en application du Coran et de la Sunna, et que cela est une association à Allah dans l'obéissance. ما يستفاد من الأثر؟ تحريم التقليد على من يعرف الدليل وكيفية الاستدلال. Le caractère illicite de l'imitation aveugle pour celui qui connaît la preuve ainsi que la manière d'utiliser cette preuve comme argument. Deuxièmement, جواز التقليد لمن لا يعرف الدليل بأن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم. La permission de l'imitation taqlid pour celui qui ne connaît pas la preuve en imitant celui au sujet duquel il a confiance en sa science et sa religion parmi les gens de science. On continue dans le matn et ce sera la dernière partie et on aura fini avec ça le chapitre inshallah. An Adi ibn Hatim radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah al-ayah faqultu lahu inna lasna na'buduhum. قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. D'après Adi ibn Hatim, car la grecque, il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam réciter ce verset, dont la traduction du sens est: ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah. Surat Tawbah, verset 31. Je lui dis alors, nous ne les adorons certes pas. Il répondit, alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas qu'ils jugent comme étant illicite ce que Allah a rendu licite? Et donc vous le jugez aussi comme étant illicite. Et qu'ils jugent comme étant licite ce que Allah a rendu illicite. Et donc vous le jugez également comme étant licite. Je répondis, certes oui. Il dit, voilà donc leur adoration. Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi qu'il a jugé Hassan, qu'il a jugé bon. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, Addi, il fait les tarajum, les biographies ici, et il y en a qu'une, c'est Addi. Addi ibn Hatim al-Ta'i, sahabiyun shahir, Hassan al-Islam, mata sana 68 hijriya, wa lahu 120 sanatan radiyallahu anha. Addi, c'est qui Addi? C'est Addi ibn Hatim al-Ta'i, célèbre compagnon dont l'islam était bon. Décédé en l'an 68 de l'Hégire, alors qu'il avait 120 ans, qu'Allah l'agré. Ittakhadhu ay ja'alu, ils ont pris, c'est-à-dire ils se sont donnés. Ahbarahum ulama ul yahoud, les savants des juifs, les rabbins. Wa ruhbanahum, et leurs moines. Ubbad ul nasara, les adorateurs parmi les chrétiens. Arbabam min dunillah. حيث التبعون في تحليل ما حرم الله والتحريم ما أحل arbaban min dunillah, des seigneurs en dehors d'Allah, car ils les ont suivis dans le fait de juger licite ce qu'Allah a interdit et le fait de juger illicite ce qu'Allah a permis. Lesna na'buduhum dhanna an al-ibadata yuradu biha at-taqarrub ilayhim bis-sujud wa nahwihi faqat. Lesna na'buduhum, il a pensé que ce qu'il voulait par l'adoration, c'est seulement se rapprocher d'eux au moyen de prosternation et autres actes similaires. Alaysa yuharrimun ila akhirihi ila akhiri ma qalahu ar-rasul sallam bayan li ma'na ittikhadihim arbaba. Alaysa yuharrimuna, n'est-il pas qu'ils jugent illicite, etc. C'est l'explication du sens de ils les ont pris comme seigneurs. Le sens général du hadith, le ma'na ijmali du hadith. حينما سمع هذا الصحابي الجليل تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي فيها الإخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك استشكل معناها لأنه يظن أن العبادة مقصورة على السجود ونحوه فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام خلاف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le sens général du hadith, lorsque ce noble compagnon a écouté l'arrestation du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم de ce verset, dans lequel il y a l'information au sujet des juifs et des chrétiens, et c'est qu'ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs comme divinités pour eux, légiférant pour eux ce qui s'oppose à la législation d'Allah, et donc ils leur obéissent en cela, le sens de ce verset ne lui apparut pas, car il pensait que l'adoration se limitait à la prosternation, etc. seulement. Mais donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui clarifia que fait partie de l'adoration des rabbins et des moines de leur obéir dans le fait de juger illicite ce qui est licite et de juger licite ce qui est illicite, en opposition au jugement d'Allah, le Très-Haut, et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le rapport entre le hadith et le chapitre, munasabatul hadith lilbab, anna ta'at al-makhlouq fi ma'siyatillah, ibadatun lahu min dunillah. لا سيما في تشريع الأحكام وسن القوانين المخالفة لحكم الله. Le rapport entre le hadith et le chapitre est que l'obéissance à la créature dans la désobéissance d'Allah, dans la désobéissance à Allah, pardon, astaghfirullah, est une adoration de cette créature en dehors d'Allah, surtout dans la législation des jugements et l'institution des lois qui s'opposent au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث les enseignements tirés de ce hadith et on finira par ça inshallah. اولا ان طاعه العلماء وغيره من المخلوقين في تغيير احكام الله اذا كان المطيع يعرف مخالفتهم لشرع الله شرك اكبر. L'obéissance aux savants et autres parmi les créatures dans la modification des jugements d'Allah, le Très-Haut, si celui qui obéit sait qu'il s'oppose à la législation d'Allah, est une association majeure à Allah. Deuxièmement, ثانيا أن التحليل التحليل والتحريم حق لله تعالى. Juger licite et illicite est un droit d'Allah le Très-Haut seul. ثالثا بيان لنوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. La mise en évidence d'un genre parmi les genres d'association à Allah et c'est l'association d'obéissance. رابعا مشروعية تعليم الجاهل. Le caractère légiféré d'enseigner à l'ignorant. خامسا وأخيرا أن معنى العبادة واسع يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Le sens de l'adoration est large et comprend tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action apparente à cacher. Et là, ça fait référence à, il fait référence le shir à la définition de l'ibada donnée par Shir Islam Moutimi rahimahullah lorsqu'il a dit العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. C'est quoi l'ibada? C'est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actions et les paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées. C'est une des définitions données pour l'ibada, notamment par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.